Pour vous permettre de continuer à écouter les petites histoires gratuitement, nous faisons appel à des sponsors. En écoutant leurs messages publicitaires, vous nous permettez de continuer à imaginer des tas d'histoires. Merci de votre soutien. Et si vous ne voulez plus entendre de publicité, rendez-vous sur patreon.com/lph. patreon.com/lph. Les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires, les petites histoires de Telming. Coucou les enfants! Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter Les Grands sans cervelle, une histoire que j'ai eu la chance d'écrire avec Romane, une fidèle auditrice des petites histoires. Bonne écoute! C'est une journée d'école comme les autres. Leçons, récréation, atelier, pause du midi, à nouveau des leçons, une récréation, et puis un souci, un gros souci même. En rentrant en classe, Romane et ses copains découvrent leur maîtresse plantée sur l'estrade, les bras ballants, la bouche ouverte avec un filet de bave pendouillant à la commissure de ses lèvres. « Madame Fouquin, vous allez bien ?»« T'es vraiment le roi des saucisses, Eden. Elle a l'air d'aller bien. » Sous le regard ahuri de ses camarades, Romane s'approche de sa maîtresse qui ne bronche pas. La jeune fille tire une chaise, grimpe dessus et agite sa main devant son visage. Aucune réaction. « Il n'y a plus personne là-dedans. »« Romane, les gars, je crois que c'est pas la seule. » Dans les autres classes, personne n'ose entrer. Les regards inquiets se croisent, ponctués de reniflements, de bouches qui tremblent et de chouinements. On devrait prévenir la police. Pour leur dire que notre maîtresse est devenue un zombie. Pas seulement elle, tous les profs de l'école. Mais n'importe quoi, ils vont croire à une blague. Pas si on y va tous, ils seront obligés de venir. Un grognement de vieux buffle, suivi d'une quinte de toux sonore, fait sursauter tout le monde. C'est Gontran. Le vieux gardien qui sent le cendrier. « C'est pas vrai. Ici aussi. Ramenez-vous dehors, les loupiaux !» Sans un mot, penaud, tous les enfants sortent dans la cour où ils retrouvent le vieux Gontran aux côtés de Gertrude, la dame de l'accueil. « Fauna fait rien et c'est une chance pour vous. Vos maîtres et vos maîtresses, en revanche, sont victimes d'un mal étrange. Comment ça se fait que vous soyez pas zombifiés ?»« Peut-être parce qu'ils sont vieux. » « Je vois que certains arrivent à garder leur humour, et c'est une bonne chose. »« C'était pas une blague. Mon père est médecin, et il m'a appris que les jeunes et les vieux ne réagissent pas pareil aux maladies. Par exemple, la grippe. »« Merci, Eden. Mais je ne crois pas que ce soit le bon moment. Bien, Gontran et moi allons prévenir vos parents pour qu'ils viennent vous chercher. En attendant, amusez-vous !»« Impossible !» Les enfants restent plantés là. Le beau temps et les gazouillements des oiseaux n'arrivent pas à détendre l'atmosphère. Le temps s'égrène lentement, si lentement que c'en est presque une torture. Heureusement que Gontran et Gertrude reviennent très rapidement. Romane, Hanouk, Manon, Mila, Aurélie, Kimani, Nina, Théo, Ella, Alice, Martin, vos parents ne peuvent pas se libérer. Vous allez rester ici. Les autres, allez vous préparer. Alors que les autres retrouvent leur sourire et s'empressent de quitter l'école, les condamnés déchantent. Et puis, timidement, Eden propose. Une balle aux prisonniers, ça nous changerait les idées, non? Mais carrément, je vais demander une balle. Romane fonce à travers la cour pour rejoindre le vieux Gontran et Madame Gertrude dans le hall d'entrée désert. La dame de l'accueil, agitée, semble passer ses nerfs sur le vieux gardien qui affiche malgré tout une mine radieuse. La scène surprend tellement Romane qu'elle s'approche d'eux en plissant des yeux. En la voyant arriver, Gertrude retrouve le sourire. « Il y a quelque chose qui ne va pas, Romane ? Hein ? Quoi ? Non. On aurait besoin d'une balle pour jouer. »« Je vais te chercher ça !» Romane retourne dans la cour au ralenti. « Il s'est passé quelque chose ?» Madame Gertrude disputait le vieux Gontran. »« C'est normal, ça. Maman m'a expliqué que parfois, dans les situations stressantes, nos émotions débordent. »« Sauf que lorsque je suis arrivée, elle a retrouvé le sourire. »« Ben oui, c'est pour te rassurer. C'est un truc d'adulte de cacher ses émotions. » Ce serait pour nous protéger des soucis. Tu crois qu'on devrait aller les voir? Non. La meilleure chose, c'est de faire comme si on n'avait rien vu. Sinon, Madame Gertrude risque d'être encore plus inquiète. La partie de balle aux prisonniers démarre. Les soucis s'envolent. Foot, cache-cache, tomates, éperviers, les jeux se multiplient jusqu'à ce que les parents arrivent. Ça va, ma chérie? Tu n'as pas eu trop peur? Non, mais j'espère que la maîtresse va aller mieux. Mais oui, je suis sûr qu'elles jouent la comédie. Tu vas voir que c'est encore une de leurs idées pour faire parler d'eux afin de dénoncer les horribles conditions de travail des enseignants. J'aurais préféré une bonne grève. Au moins, ils préviennent. Mais tout fiche le camp, ma chérie. De nos jours, les gens sont prêts à tout. Le lendemain, sans message de la directrice, les parents sont persuadés que la classe va avoir lieu comme d'habitude. Ils amènent même Romane en avance. Un petit attroupement se forme devant la porte de l'école. Tout le monde semble persuadé que les professeurs ont fait une mauvaise blague. L'ambiance est détendue. Puis, la cloche sonne, la porte s'ouvre, et d'un coup, tous les adultes se figent, les bras ballants, la bouche entrouverte. Papa ! Maman ! Ils sont zombifiés ! Rentrez-vous, maître, à l'abri ! Une marée d'enfants paniqués emporte Romane et Eden à l'intérieur. Perdus, ils suivent les directives de Gertrude, qui leur demande d'aller dans leur classe. Sauf qu'ils retrouvent leur maîtresse, plantée au même endroit, toute bavante et maintenant puante. « Maintenant, j'en suis certaine. Impossible que ce soit de la comédie !»« Mais pourquoi Madame Gertrude nous a dit d'aller en classe ?» Des murmures inquiets mêlés de peur s'élèvent. Romane ne tient plus. « Où est-ce que tu vas ?»« Voir Madame Gertrude et le vieux Gontran. »« Mais ils nous ont dit de rester ici !» Et moi, je vais pas laisser mes parents zombifiés dehors. Et toi ? Bien sûr que non. Avec stupeur, ils découvrent leur hall d'entrée rempli par les parents zombifiés, immobiles et bavants. Aucune trace de Gertrude et Gontran. Intrigués, ils se faufilent dans la forêt d'adultes jusqu'au bureau d'accueil. Regarde-moi ce bazar ! Pire que ma chambre ! Et Madame Gertrude est plutôt du genre maniaque. C'est quoi cette plaque au sol ? On dirait comme une bouche d'égout carrée. Je l'avais jamais remarqué. Oh, il y a une sorte de bouton juste là. Comme un papillon attiré par la lumière, Romane le presse. Aussitôt, la plaque se déverrouille avant qu'un ascenseur ne surgisse dans un nuage de vapeur et de poussière. Je savais que c'était louche, mais alors là... On devrait prévenir la police. Romane roule des yeux et tire son ami par la manche pour l'entraîner à l'intérieur. La porte se ferme aussitôt. Des sangles leur arriment les pieds au sol. L'ascenseur chute comme une tour infernale avant d'enchaîner mille et un loopings. Les enfants hurlent à plein poumon en se cramponnant l'un à l'autre. Et puis tout s'arrête. La porte s'ouvre sans un bruit sur un paysage spectaculaire. Une grotte immense, criblée de cristaux géants d'un blanc immaculé. Des pierres de lune. Quoi ? On est sur la lune ? Mais non, c'est le nom des cristaux. J'ai regardé un reportage avec papa. Ils doivent faire au moins 10 mètres de haut. C'est fou. On doit être les premiers enfants au monde à en voir des vrais. Mais on n'est pas seuls. Regarde, des traces de pas. Je suis sûre que c'est Gertrude et Gontran. Mais qu'est-ce qu'il ferait là ? Mais il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Les enfants remontent la piste, intimidés par la forêt de cristaux gigantesques. Ils finissent par déboucher sur une vaste clairière boueuse, éclairée par un énorme puits de lumière dans lequel le vent s'engouffre. Les enfants s'arrêtent, estomaqués. Alors Madame Gertrude et le vieux Gontran sont des extraterrestres ? Mais non, ils étaient déjà là quand papa et maman étaient en maternelle. Ça prouve quoi ? Bah si c'était des extraterrestres depuis tout ce temps, on l'aurait découvert. Qu'est-ce que t'en sais ? Bah je sais pas, des aliens, ça se remarque au bout d'un moment, non ? Pas s'ils se sont déguisés en humains et qu'ils nous ont bien étudiés. Et on n'est pas dans ton film préféré, là, comment il s'appelle déjà le... Ah oui, les hommes en noir. On est dans la vraie vie. Romane, reviens. Évidemment, elles foncent tête baissée. Les enfants entrent dans le vaisseau, sur la pointe des pieds, et pénètrent dans un couloir au bout duquel s'échappe une lumière violacée d'où s'étirent deux ombres monstrueuses. Romane et Eden se précipitent dans un renfoncement et se recroquevillent, les mains sur la bouche. Je te l'avais bien dit, la batterie de cette baguette n'est pas assez puissante. À ce rythme-là, voler tous les cerveaux de cette planète va prendre une éternité. Moi je dis qu'on pourrait se contenter des meilleurs. Jamais. Tu m'entends, jamais. J'ai une réputation à tenir, ils me les font tous. C'est toi la bosse, boss. Bon, enfilons nos costumes et retournons à la surface, nous occuper des enfants. Romane et Eden retiennent leur souffle, terrifiés. Après une longue minute de silence, ils osent bouger. J'y crois pas. T'avais raison. On doit trouver cette collection de cerveaux. Ils se ruent au fond du couloir, jusqu'à une salle gigantesque baignée d'une horrible couleur violette. Posée sur une petite colonne trônant au centre de la pièce, une baguette clignote. Rangée avec soin dans une infinité d'alcôves qui tapissent les murs, des bocaux dans lesquels flottent... Des cerveaux ? Et j'ai pas l'impression qu'ils soient tous humains. Ils les collectionnent, tu crois ? Seulement les meilleurs. Les autres, je les vends. Certaines espèces en raffolent. Il paraît qu'en les mangeant, on peut accéder aux souvenirs de son propriétaire. Les deux enfants se retournent et découvrent Gertrude et Gontran dans l'encadrement de la porte. Leurs yeux fous et leurs sourires mauvais ne laissent présager rien de bon. Alors, c'est comme ça que vous avez pris la place de Gertrude et Gontran ? J'avais cru qu'on était des sauvages. Ces deux ancêtres roupis dans le costumotron. On a besoin d'eux en bon état, sinon pas de déguisement. Et croyez-moi, on fait peur à voir. En revanche, je déteste les petits curieux. Je suis trop jeune pour mourir. Oh ben, il est tendance celui-là. Ai-je dit que j'allais vous tuer ? Non. Je vais même faire une exception. Vois-tu, les cerveaux d'enfants n'ont aucune valeur. Ils sont petits et trop vides. Mais sans cerveau, impossible pour vous de parler. Vous pourriez au moins nous dire comment vous vous y êtes pris. Impossible de refuser sa dernière volonté à une condamnée. Tu vois cette baguette-là ? Oui. Eh bien, il suffit de la pointer sur ta cible, d'appuyer sur le bouton et pouf, le cerveau se téléporte dans l'une de ses cuves. Pas de formule ? Pas de sécurité d'empreinte digitale ? Juste un bouton à presser ? Évidemment ! Pourquoi s'embêter ? C'est une bonne idée, je trouve. Faudrait y penser. Trop tard ! Tu dis ? Roman bondit sur la baguette. Gertrude lâche un cri d'horreur. Gontran se rue sur Roman, mais trop tard. Elle pointe la baguette, appuie sur le bouton et slurp ! Le voilà zombifié. Tu vas le regretter ! Cause toujours ! D'un coup de baguette, le cerveau de Gertrude est expédié dans un bocal. Tu sais, Eden, je comprendrai jamais pourquoi les méchants aiment autant dévoiler leurs plans. D'après maman, c'est pour montrer qu'ils sont supérieurs aux autres. Et puis, ça nous permet de comprendre qu'il ne faut jamais crier victoire trop vite, ni sous-estimer ses adversaires. Un peu comme le lièvre et la tortue, quoi. Tout à fait. Bon, comment va-t-on remettre tous ces cerveaux à leur place ? Il y a peut-être une option marche arrière sur la baguette ? On va s'occuper de la suite, les enfants. Trois hommes en costume et lunettes noires rentrent dans la pièce. Deux d'entre eux s'occupent de passer les menottes à la fausse Gertrude et au faux Gontran. Le troisième s'approche des enfants. On vous doit une fière chandelle. Vous êtes de véritables hommes en noir ? Comme dans ton film. Eh oui, sauf que nous nous occupons vraiment des menaces extraterrestres. On cherchait ces deux-là depuis longtemps. On a été alertés par l'apparition d'adultes zombifiés. Mais vous avez été plus rapides que nous. Alors, si vous êtes vraiment des hommes en noir et que ça se passe comme dans le film préféré de Roman, ça veut dire que vous allez nous effacer la mémoire ? Le protocole m'y obligerait, mais peut-être qu'on pourrait faire une exception. Pas vrai, les gars ? Oui, bien sûr. Ouais. Mais vous devez me donner votre parole. Personne ne doit savoir ce qu'il s'est passé ici. Promis ! Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. N'hésitez pas non plus à parler des petites histoires à vos copines, à vos copains et pourquoi pas à votre maîtresse ou à votre maître pour occuper les temps calmes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.